À l'occasion du 5e anniversaire de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un au grade de maréchal de la République populaire démocratique de Corée, le journal coréen Rodong Sinmun, en date du 17 juillet, a inséré un éditorial sous le titre « Grâce au grand homme sans égal du Paektun, notre patrie marquera seule la victoire et la gloire ».